à acheter des additions des halogènes à cet icide, c'est une occasion à ne pas manquer. Pour vous convaincre, il nous suffira de vous montrer les infinies possibilités mélodiques de ce groupe si sympathique. Aujourd'hui, plus qu'avant, il faut savoir évoluer et parler aux jeunes, surtout ceux qui vont en boîte et qui écoutent les radios libres. Les halogènes à scepticide l'ont fait, naturellement.